Toujours à la même occasion, l'Association pour la promotion des relations Autriche-République populaire démocratique de Corée a inséré dans le site internet l'histoire abrégée des activités révolutionnaires du général Kim Jong-il.